Le peuple s'arrête devant la rivière. L'arche avance devant les pas, mais l'eau ne fuit pas encore. Et le doute grandit en bas. Tu demandes au prêtre d'entrer avant même de voir la mer céder. Car la foi marche toujours la première avant que la preuve arrive en effet. Ce n'est pas l'eau qui s'ouvre d'abord, c'est le cœur qui obéit. Quand nos pieds touchent l'impossible, tu ouvres un chemin au milieu. Quand obéir devient un risque, tu révèles la route de Dieu. Quand nos pieds touchent l'impossible, ta puissance déplace les eaux. Et ce qui semblait être une barrière devient un passage sous ton drapeau. Le Jourdain recule devant ton ordre. La promesse devient chemin. Et le peuple traverse. Confirme par ton service et ta maîtrise. Quand nos pieds touchent l'impossible, tu ouvres un chemin au milieu. Quand obéir devient un risque, tu révèles la route de Dieu. Quand nos pieds touchent l'impossible, ta puissance déplace les eaux. Et ce qui semblait être une barrière crée la traversée.